Salut, c'est Vic Survivaliste du blog préparationquébec.blogspot.com. Cette semaine, comme je l'ai annoncé dans mon Facebook, c'est la revue du livre NRBC, Survivre aux événements biologiques, nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques. Je suis pas tellement habitué à NRBC, moi j'ai été formé dans le NBC. Alors pensez de rajouter la lettre, ça vient... Ça vient déranger des dizaines d'années d'habitude. Donc, ce livre, c'est le tout dernier de Piero San Giorgio, coécrit avec Chris Millennium, qui est un ancien chef au GIGN, chargé justement des risques NRBC et des ripostes à données. Wow! Ce livre-là mérite plus que juste un wow, mais... C'est, je dirais, à ce jour, le livre le plus achevé de Piero. Parenthèse, soit dit en passant, pour ceux qui débarquent, si vous ne le savez pas, je connais personnellement Piero. On a même donné une conférence conjointe ensemble. Alors, on a fait une petite virée à New York. Je n'ai toujours pas perdu les kilos que j'ai pris chez Carmine's. Et, bref, c'est pour vous dire que je ne suis pas... impartial d'un point de vue affectif face à Piero. Je l'apprécie beaucoup, j'ai des relations d'amitié avec lui. Ceci étant dit, rien ne m'oblige à parler d'un sujet ou à parler d'un livre. Et quand je n'ai pas beaucoup de bien à dire d'un livre, eh bien je n'en dis rien. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai été vraiment impressionné. On connaît le style de Piero. Il ne faut pas oublier Chris Millennium non plus qui a fourni son apport et ça paraît à travers le livre. Mais on reconnaît bien son style. Son style est achevé. Il le maîtrise. Il sait comment construire son livre et comment l'organiser. On retrouve toujours à chaque fin de chapitre ou parfois dans le milieu... une mise en situation, une fiction qui reproduit ce qui pourrait être et, dans le cas ici, ce qui a déjà été, avec des petits changements. Le grand mérite du livre NRBC, c'est pas tellement compliqué, c'est qu'il nous donne l'heure juste sur les risques que nous courons, qui sont parfois cachés, qui sont parfois exagérés quand on pense à certains sujets et mis sous le tapis, alors qu'on devrait en parler quand on parle d'autres sujets. On pense aux centrales nucléaires qui peuvent exploser, on pense au terrorisme, mais tout ça a fait moins de morts que, par exemple, les accidents industriels. Il faut y penser. Exception faite peut-être des bombes de Hiroshima et Nagasaki. Mais dans tous les cas, Piero et Chris Millennium nous éveillent à la nature des dangers qui nous entourent, surtout ceux qui vivent dans des environnements industriels ou des environnements urbains. Là, il y a toutes sortes d'usines qui utilisent des produits chimiques extrêmement dangereux et qui le font de manière routinière, donc même s'il y a des protocoles qui peuvent être établis, il vient qu'à un moment donné, par lassitude, par habitude, la vigilance tombe et les accidents surviennent. Si on fait la recension des accidents industriels, vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Et ça comprend aussi les accidents avec les centrales nucléaires, les relâchements de radioactivité dans l'atmosphère. Ceci dit, vous connaissez bien Piero. Il va nous amener un sujet d'une manière qui va nous inquiéter, qui va nous... questionner, qui va susciter parfois peut-être de la peur ou de l'appréhension ou de la crainte. Mais si vous le connaissez bien, vous savez aussi qu'il ne se contente pas de faire peur, ce qui serait con. Et Piero n'est pas con. Et Chris Millennium, que je ne connais pas, non plus. Non seulement il nous indique, il nous donne l'heure juste, la vérité sur ce qui peut se produire et comment ça peut se produire, mais surtout il nous donne les moyens de nous protéger. Et ça, c'est extrêmement important. Écoutez, c'est un livre qui est complet. Vous avez des soucis face aux dangers nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques. C'est le livre à lire. Vous vivez dans un environnement industriel qui utilise des produits qui peuvent être très dangereux s'ils sont relâchés dans l'environnement. C'est le livre à lire. Vous vivez près d'une centrale nucléaire. C'est le livre à lire. Vous avez peur d'une guerre nucléaire. C'est le livre à lire. Écoutez, je pourrais continuer comme ça longtemps, là, mais sérieusement, et je peux même vous dire que c'est tellement fort et tellement bien documenté, avec des notes en bas de page, à chaque page ou presque, c'est tellement bien documenté qu'ils ont même réussi à me faire changer d'avis sur ma préparation à une guerre nucléaire. Ceux qui me suivent savent que je ne me préparais pas à survivre à une guerre nucléaire totale. Ça ne m'intéressait pas. Comme je l'écris dans mon billet, les vivants environ les morts. Et principalement à cause de l'hiver nucléaire qui durerait 2 ans. Eh bien, selon les recherches qu'ont fait Pierrot et Chris Millennium, ça s'avère faux. Oui, ça va être destructeur si ça arrive. Oui, ça va tout chambouler. Oui, il va y avoir une baisse de température, mais pendant quelques jours. Ça ne sera jamais suffisant pour obscurcir l'atmosphère pendant 2 ans, comme certains le disent et le prônent. Mais ça va se passer. Et il va y avoir moyen de survivre, évidemment, à certaines conditions. Et selon les auteurs, ce n'est pas là le principal danger d'une guerre nucléaire. C'est-à-dire l'obscurcissement de l'atmosphère, ça passe, ça dure quelques jours, ça s'en va, il y a d'autres dangers. Vous lirez le livre pour le savoir. Ben quoi? C'est quand même pas pour donner tous les punchs. Un passage que j'ai... Bon, j'ai perdu ma page. Un passage que j'ai... un passage, c'est même plusieurs pages, que j'ai particulièrement aimé. C'est... voilà. L'interview avec le professeur Walter... C'est ici, ouais. Ça dure sur plusieurs pages et, écoutez, je l'ai relu plusieurs fois pour le plaisir, pour apprendre et pour être témoin des propos d'une personne qui a les deux pieds sur terre et qui a une vision lucide des choses. Ça dépasse le simple domaine... des dangers NRBC, ça va beaucoup plus loin, ça va toucher au fondement de l'organisation de la société. Je n'ai que du bien à dire. Non, pas que du bien. Dans les débuts, au début du livre, il est mentionné que les Français et les Anglais ont pratiqué la guerre bactériologique contre les Amérindiens. C'est faux. C'est que les Anglais qui l'ont fait. Le général Amherst, dont terrible disgrâce, dont une rue de Montréal porte le nom. Oui. C'est les Anglais qui ont fait la guerre bactériologique. Les Français ne l'ont jamais faite. Les Français cherchaient l'amitié de toutes les tribus amérindiennes. C'était dans leur politique officielle. Quand ils ont fait la guerre, forcés de faire la guerre aux Iroquois, et qu'ils ont déployé les moyens, ils ont vaincu. Et ils ont tendu la main aux vaincus pour établir une paix qu'ils espéraient durable. Mieux que ça, les Français, mes ancêtres, ont créé un sanctuaire autour de la prairie pour recueillir les Iroquois qui, à force de faire la guerre, s'étaient fait plein d'ennemis, étaient presque sur le point de disparaître. Et ce sanctuaire-là a été protégé par l'armée française et les Iroquois n'avaient même pas l'obligation de se convertir à la religion catholique. Imaginez la générosité. Des ennemis qu'on a vaincus et qu'on offre de protéger contre les ennemis qui leur restent en leur demandant à peu près rien en contrepartie. Alors, c'est une correction, au niveau historique. Je sais que Pierrot ne m'en voudra pas, je lui en ai déjà parlé. Et il m'a dit d'en parler. Alors voilà. Et, ben écoutez, ça, ce livre-là, vous pouvez le commander sur Amazon.fr. En Europe, il n'y a pas de problème avec Amazon. J'ai regardé Amazon.ca et c'est pas disponible. Par contre, j'avais lu sur la page de Pierrot que vous pouvez le commander aux éditions Le Retour aux Sources. Le lien est dans mon billet. Pour l'Amérique du Nord, c'est les mêmes frais de port que pour la France. En tout cas, c'était comme ça il y a une ou deux semaines. S'il y a des changements, écoutez, renseignez-vous. Sinon, ben, comme Pierrot l'a dit, achetez-le dans les bonnes librairies, de préférence des librairies indépendantes, afin de leur permettre de continuer à vivre et d'offrir des livres qu'on ne retrouvera généralement pas dans le grand public, parce que, bon, toutes sortes de raisons. Pas de censure officielle, évidemment. Alors là-dessus, ben, ça conclut ma revue de NRBC, survivre aux événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Et tiens, puisque vous y êtes, achetez celui-là aussi. Ou si vous ne l'avez pas acheté, empruntez-le, lisez-le. C'est la base de tout. Ça, c'est la version spécialisée sur les risques chimiques, biologiques, radiologiques et bactériologiques. C'est plus technique. Ah oui, j'oubliais. La vulgarisation dans ce livre. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi bien fait. Je peux prendre, je vais le faire, je n'ai pas fait encore parce que je n'ai pas eu le temps, mais je vais prendre la partie, par exemple, qui explique le fonctionnement des radiations, d'où ça vient, comment c'est généré, quel effet ça peut avoir. Je vais prendre cette partie-là et je vais l'expliquer à ma fille de 7 ans et demi. Elle a déjà, je dois le préciser, elle a déjà des notions scientifiques. Elle sait ce que c'est un atome. Elle sait ce que c'est une étoile, un soleil. Elle connaît un petit peu la théorie de la relativité. Elle sait que ça existe. Elle sait que le temps varie et que plus on s'approche de la vitesse de la lumière, plus le temps ralentit. Mais elle n'est pas capable de le concevoir vraiment, mais elle le sait. Donc, elle a des notions. Je vais lui expliquer ça et je sais qu'elle va comprendre. Si vous avez peur des sujets techniques ou scientifiques, jetez-vous dedans. Vous ne serez pas déçus parce que vous allez comprendre. Voilà. Alors, c'est tout. S'il y en a qui trouvent que j'ai un excès d'enthousiasme, eh bien, c'est parce que je suis excessivement enthousiaste. J'ai été ravi, enchanté par ce livre-là. Et je vous recommande fortement de le lire. Merci, à la prochaine.